Chapitre 8e. Sonia Argoulian n'avait pas sursauté pour rien en lisant les quelques lignes tracées sur le papier grossier qu'elle avait ramassé dans le jardin d'hiver de la maison du mystérieux monsieur Xavier. Ce papier portait ces mots écrits à l'aide d'un fragment de charbon de bois. Je suis dans le caveau de droite dans la cave. Interrompez courant électrique en tournant commutateur qui est dans antichambre et descendez avec outil pour ouvrir après avoir éloigné la négresse. Si dans quelques heures nous ne sommes pas délivrés, votre père et moi sommes perdus. Votre fiancé, Piébald, hâtez-vous si vous aimez votre père. » Une dizaine de lignes, mais quelles lignes ! Sonia, n'en croyant pas ses yeux, relut par trois fois cette tragique missive. Hélas, elle n'en pouvait pas douter. Elle reconnaissait sans aucune chance d'erreur l'écriture de Piébald et sa signature. C'était bien lui qui avait écrit cette lettre menaçante. Mais comment était-elle arrivée dans le jardin d'hiver ? Sonia, s'étant baissée, fit le tour de la pièce et fut fixée. Cachée par les caisses contenant les plantes vertes, plusieurs soupiraux étaient percés dans les murailles entourant le jardin d'hiver, au ras du sol. C'étaient des fentes horizontales, longues d'environ 40 cm et larges de 6 à 7 à peine. Elles servaient à aérer les celliers. Piébald avait dû entendre la jeune fille jouer au piano la vieille chanson arménienne. Il avait aussitôt pensé à communiquer avec elle et avait réussi à projeter la boulette de papier à travers l'ouverture. Pendant quelques secondes, Sonia, debout au milieu du jardin d'hiver, resta immobile, la terrible lettre à la main. Sa perplexité et son angoisse étaient extrêmes. Que faire? Si Piébald disait vrai, et elle le croyait, son père était perdu. D'autre part, pouvait-elle trahir la confiance de son hôte à son sauveur avait mise en elle? Devenir une infâme ou se conduire en fille dénaturée? Pas de milieu. Aucune autre solution. Sonia relut encore le papier gris et le froissant l'enfouit dans son corsage. Elle se sentait devenir folle. S'étant assise sur une chaise, elle essaya de réfléchir, l'œil fixe, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Elle eût voulu fuir au bout du monde, mourir. Mais non. Elle devrait se décider. Agir et trahir son hôte? Ne pas agir et causer la perte de son père? Mais Piébald ne mentait-il pas? Comment le savoir? Une heure durant, Sonia resta plongée dans sa sinistre rêverie, ballottée entre les sentiments qui se partageaient son âme. Après d'affreuses luttes intérieures, elle se décida, et elle ne pouvait se décider autrement. « Je me déshonorerai, pensait-elle. Je serai plus vile que la plus vile, mais je sauverai mon père. » À midi, Antonia vint la chercher pour manger. Elle alla se mettre à table, mais ne put rien avaler du délicat menu préparé pour elle. Antonia s'en aperçut, mais ne manifesta pas ses sentiments. Sonia, ayant bu une tasse de café, gagna sa chambre et, étendue sur son lit, guetta les allées et venues de la négresse. Elle l'entendit enfin ouvrir la porte extérieure de la maison et, à travers les rideaux, la vit qui traversait le jardinet et gagnait la rue. Elle emportait un filet. Sans doute allait-elle aux provisions. La petite pendule de Saxe posée sur la cheminée de la chambre marquait un peu moins de 4 heures de l'après-midi. Sonia sortit de sa chambre, dont elle referma sur elle la porte à clef. En quelques pas, elle fut dans le vestibule. Elle vit le tableau de distribution du courant électrique et, après une dernière hésitation, en tourna le coupe-circuit. La porte de la cave n'était fermée qu'au loquet. La clé était sur la serrure. Sonia pénétra dans la cuisine et y prit une hache et un fort tisonnier, les outils dont Piébald lui avait recommandé de se munir. Puis, ayant à travers la vitre d'une fenêtre jeté un dernier regard sur le jardinet désert, elle s'engagea dans l'escalier de la cave. Arrivée en bas, elle tourna un commutateur. Une ampoule s'irradia au plafond. Le courant des lampes ne passait pas par le même tableau de distribution que celui parcourant les portes des celliers. Sonia, en quelques pas, fut devant la porte du caveau où était emprisonné son père. Que lui importait Piébald? Celui-là, elle était bien résolue à le laisser dans sa prison. La serrure était solide, mais Sonia, se servant du tisonnier comme d'un ciseau à froid, sur lequel elle frappa avec la hache, eut au fait de l'arracher. Elle ouvrit la porte. « C'est moi, mon père, » souffla-t-elle d'une voix blanche. « Ma fille, ma Sonia, ah, je savais bien que tu ferais l'impossible pour... » Il est parti ? Oui, mon père, fit la jeune fille, se dégageant doucement des bras du négociant en pierrerie. Monsieur Piébald m'a fait parvenir un mot m'expliquant que tu courais un grand danger si je ne te le délivrais pas. Il a fallu pour cela que j'agisse après que monsieur Xavier a fait pour moi, Tu ne dois rien à cette canaille, je te le dis. Viens, tu es seule dans la maison? Je crois que oui, mon père. La misérable négresse de malheur est sortie? Oui. Bien, nous allons filer. Je sais où aller. Mais il faut avant tout délivrer ce pauvre Pied-Bald, il est dans le cellier voisin. Viens, mon père. Quoi? Monsieur Pied-Bald, nous n'avons pas à... Quoi, Pied-Bald? Le laisser ici? Ton fiancé? Tu perds la tête. Je ne veux pas me marier avec cet homme. Vous le savez bien, mon père. C'est lui la cause de notre ruine. Nous n'avons pas à nous occuper de lui. J'ai engagé ma parole. Nous n'avons pas à nous occuper de lui. Et c'est lui qui t'a prévenu. Laisse-moi passer, je vais lui ouvrir, moi. Mon père, je vous en prie. Je me demande si tu n'es pas folle, Sonia, grommela Argoulian, qui, repoussant la jeune fille, sortit du cellier. Pied-Bald est mon associé, mon ami, mon futur gendre. Nous nous sauverons avec lui. Et oublies-tu aussi qu'il peut nous perdre? Il se perdrait avec nous, mon père. Et il est trop lâche pour le haut sotte que tu es. Et puis assez là-dessus. Nous n'avons que trop perdu de temps, conclut le marchand de pierreries, qui s'élança vers la porte du cellier servant de prison au sinistre Pied-Bald. Mon père, laissez cet homme. Si vous faites cela, Eh bien, appelle. Livre-moi. Va. Ah, je suis fière de ma fille, siffla Argoulian sardoniquement. Sonia s'immobilisa, les bras ballants, sa face blanchie par l'horreur et la souffrance. Argoulian, ayant ramassé la hache et le tisonnier, bondit vers la porte du cellier de Pied-Bald et en attaqua immédiatement la serrure. Il l'eut rapidement brisée et arrachée, et attira le battant à lui un épais panneau de chêne dans lequel était incrusté un réseau serré de fils de cuivre. Pied-Bald se précipita au dehors. « Merci, mademoiselle Sonia, s'écria-t-il d'un ton pénétré. Je vois que vous avez reçu mon mot et que vous avez agi. Je n'oublierai jamais votre dévouement. Vous ne me devez rien, monsieur. Je vous ai cru et abusé de la confiance de l'homme qui m'avait délivré pour sauver mon père, répondit la jeune fille d'un ton froid. Je connais votre dévouement filial, ricana Pied-Bald, sans se troubler, et je sais que j'aurai une bonne épouse. Quand on est une fille dévouée, l'on est femme accomplie. Mais ne restons pas ici. Sortons, prenons le métro et allons chez Golias. Il nous donnera de quoi nous déguiser. Rien n'est perdu. Nous sommes encore à temps pour rattraper Teddy, si le paquebot n'est pas en avance. Venez. Il s'élança vers l'escalier. Argoulian et Sonia le suivirent sans mot dire. Dépêchons, grommela Pied-Bald une fois en haut. Ah, si j'étais sûr que nous ne soyons pas dérangés, ce que j'ai déménagerais cette bicoque. La négresse est sortie, n'est-ce pas, mademoiselle Sonia? La jeune fille ne répondit pas. Enfin, partons, conclut Pied-Bald avec un soupir. Plus vite nous serons loin d'ici, mieux cela vaudra. Oui, approuva Argoulian. Adieu, mon père, fit Sonia. Quoi? Tu es folle? S'écria le marchand de pierreries en se retournant comme piqué par une vipère. Non, mon père, je reste ici. Je veux être là pour expliquer à monsieur Xavier ce que j'ai fait. Vous n'avez plus besoin de moi, d'ailleurs, acheva-t-elle avec un sourire amer. Je n'ai plus besoin de toi, mais je ne veux pas te laisser ici, comme otage entre les mains de ce gueux. Arrive. Je ne viendrai pas, mon père. J'ai fait ce que je devais faire, je crois. Ne m'en demandez pas plus. Partez. Adieu. Ne vous inquiétez pas de moi, je ne. Tu vas venir quand je devrais te porter, gronda Argoulian furieux. Il saisit de sa grosse main le délicat poignet de la pauvre fille, qui laissa échapper un gémissement de souffrance. Allons, arrive, naïve. Oui, il faut être énergique, monsieur Argoulian. Mademoiselle Sonia, voyons, soyez raisonnable. Vous savez bien que. Mais je vous méprise, je vous déteste, je vous hais, vous, s'exclama Sonia en se raidissant. C'est à cause de vous que nous sommes ici, ruinés, perdus, déshonorés. Partez donc et laissez-moi. Ai-je quelque chose de commun avec vous? Allez, allez donc. Quand on a un père comme le vôtre, on est plus modeste. Et vous ne parlerez pas toujours ainsi, mademoiselle, dit fit froidement Pied-Bald. Allons, Argoulian, venez. Si elle refuse de nous suivre, laissez-la. Nous devrions déjà être loin. Elle m'obéira, gronda le marchand de diamants. Sonia, ne me pousse pas à bout. Vous pouvez me tuer si vous le voulez, mon père. Je ne regretterai rien, murmura la jeune fille. Argoulian tressaillit. Son regard rencontra celui de son enfant. Il lâcha prise. Sonia, dit-il d'une voix radoucie, une dernière fois, je te demande de venir, je t'en prie. Pas avec cet homme, mon père, et j'ai à rendre de compte de ce que j'ai fait. Partez. Nous nous reverrons plus tard. J'aurai toujours pour vous les sentiments d'une fille. Adieu, mon père. Sonia. Venez-vous, Argoulian. Je file, moi. Laissez cette folle, puisqu'elle veut rester, et grand bien lui fasse, siffla Piébald. Oui, je viens. Adieu, Sonia. Tu. Demandez-lui seulement de ne pas nous trahir. D'ailleurs, peu importe. Arrivez. Adieu, mon père, fit Sonia, comme si elle n'avait pas entendu les paroles insultantes du bandit. Argoulian murmura quelque chose, mais ce ne furent que des sons rauques qui sortirent de sa bouche. Immobile, comme changée en statue de la douleur et de la désespérance, Sonia, debout dans le vestibule, vit les deux hommes ouvrir la porte de la maison, traverser rapidement le jardin, et après un coup d'œil cauteleux dans la rue, franchir le seuil et disparaître. Elle eut encore la force de regagner sa chambre, et s'étant laissée tomber sur son lit, elle éclata en sanglots.